Explosion! Eh, souka boy, vous connaissez ton petit cocktail, ouais? Et puis dancehall, souka NB, puis compas. Mandez ça, écoutez ça! Oh yeah yeah! Hey yo! N-I-C-H-O-L-S M-N-I Ali Angel. That's right. Samedi soir, ouais, pourquoi ouais. Tu broies du noir? Viens yo. Plutôt faire la foire. On a le son hey, qu'il hey. Faut, du haut niveau. Vas-y, kiffe yeah. Le flow. La rêve est si sun sex. Pas d'explication texte, pas de dessin, c'est girl flex. On a le style vénère. Si t'as du flair, suis le savoir en air. Bouge ton boule, joli. Les mains en l'air, tu sais y faire. Crier à moi, ne viens pas faire l'oncle Tom dans l'équipe, je suis Tom, mais nous va.